Poupi, poupi, poupi, pou. Écoutez Blockbuster en faisant le ménage. Tant de fois, j'ai pensé à Loïs. Hein, quand je frottais la salle de bain, être passée après mes quatre garçons et leur père. Voilà, ça fait du bien d'entendre à nouveau parler de Malcolm. Merci pour vos émissions et vive Loïs. Coucou, c'est Marie à Nantes. Alors moi, j'aime Malcolm pour tout ce que vous avez dit dans l'émission, mais aussi parce que pour une fois, les intellos de France avaient un modèle populaire auquel s'identifier. Et ça, quand on est gamin ou ado, c'est sympa. Poupi, poupi, poupi, pou. C'est une série Malcolm qui m'a toujours beaucoup touché parce que je suis le quatrième d'une fratrie de quatre garçons qui a grandi dans une famille ouvrière et que c'est une série qui me parlait beaucoup, notamment l'épisode où Dewey rêve d'un pantalon neuf qui n'aurait pas été porté par ses grands frères. Donc juste pour dire ça, merci pour cette nouvelle saison et continuez comme ça, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Michel C, je suis médecin et je vous appelle parce que je suis particulièrement inquiet. J'entends des gens qui appellent sur le répondeur en chantant. Je voudrais les rassurer, le remède est tout trouvé. Il suffit d'écouter l'émission jusqu'au bout. À coup sûr, ils seront guéris par toutes les endorphines qu'elle génère, ce qui fait qu'elle sera sans doute remboursée bientôt par la sécurité sociale. Poupi, poupi, poupi, pou. Est-ce que vous saviez que Malcolm avait des vertus thérapeutiques ? Dans les années 2000, mon père a fait une grosse dépression et il n'arrête pas de nous dire que Malcolm était son antidépresseur. Life is unfair. To be or not to be, not to be. C'est qui le meilleur James Bond ? Alors ça, vous voyez, c'est le genre de question de cinéphile qu'il faut éviter à tout prix si tu veux continuer à avoir une vie sociale apaisée. Tu préfères pas qu'on parle de chloroquine et du professeur Raoult ? Ça me semble moins touchy. Jamais répondre à la question de savoir qui est le meilleur James Bond. C'est une question piège, censée faire bugger la machine. Tu la poses à un ordinateur, il t'affiche erreur 404. Parce qu'il n'y a pas de meilleur James Bond. Il n'y a que des James Bond qui correspondent plus ou moins à ce que t'es. T'as le James Bond cinéphile. Pour moi, le meilleur James Bond, c'est David Niven dans le Casino Royal de John Huston en 67. Pour la simple raison qu'il est le seul à l'avoir vu. T'as le James Bond boomer, j'ai connu les 30 Glorieuses. Oh, le meilleur James Bond, c'est définitivement Sean Connery. Une époque où, excusez-moi, je veux pas polémiquer, mais les hommes avaient le droit d'être des hommes. T'as le James Bond underground. Le meilleur James Bond, c'est George Lazenby dans Au service secret de sa majesté. Ce film où il se marie avec Diana Rigg qui jouait Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir qui s'appelait Avengers en VO parce que John Cena n'était pas le héros des premiers épisodes. Oui, ça va, on a compris. Bref, tout le monde a son James Bond. Et le problème, c'est que ce débat aujourd'hui, désormais tu l'as avec Batman. C'est qui le meilleur Batman ? C'est qui le meilleur Spider-Man ? La fatigue. Moi, je viens du théâtre. Et quand un comédien s'illustre en reprenant un des rôles de Molière, on dit de lui... Il compose un excellent Tartuffe. Elle joue une facétieuse Dorine. Un Tartuffe, une Dorine. On fait précéder ses noms par un article car on sait, contrairement au cinéma, que l'on a beau nous donner le droit d'emprunter ces grands personnages. On ne les ramènera jamais à la maison car ils ne nous appartiennent pas. Il n'y a pas de meilleur James Bond. Sauf si, bien sûr, Idriss Elba le joue un jour. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. J'admire votre courage, mademoiselle... Trench. Sylvia Trench. Et j'admire votre chance, monsieur... Bond. James Bond. Monsieur Bond, je suppose que vous serez d'accord si je dépasse la limite. Aucune objection. James Bond, un des personnages de fiction les plus connus au monde. Partout sur la planète, le grand public sait, des fois même sans avoir vu aucun de ses films, qui est 007. Même s'il est apparu pour la première fois sur le petit écran en 1954, c'est depuis 1962, avec James Bond contre le Dr No, que ses films sortent sur grand écran avec une régularité qui en font également des marqueurs de leur époque. James Bond change d'interprète, mais change aussi tout court. Réussissant le périlleux exercice de rester fidèle à son auteur, Ian Fleming, tout en se réinventant sans cesse dans un monde qui bouge. Pour revenir sur ce monument de la pop culture, j'ai avec moi Vesper, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes vidéaste de pop culture et on peut vous retrouver sur la chaîne YouTube Les Chroniques de Vesper. Exactement, et le pseudo est pas très difficile à deviner vu le thème du jour. Ben oui, les choses sont bien faites. C'est quand fou, même. Hein. Avec nous également Robert Ospillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste et critique, vous travaillez actuellement dans la compagnie de jeux vidéo Quantic Dream et pour la revue Rockyrama. Exactement, voilà. Ouais. Avec nous également, Ellil Albana, bonjour. Bonjour Fred, bonjour à tous. Vous êtes réalisateur, co-créateur de Script, un média web centré sur la culture de l'image, producteur d'événements cinéma et pop culture, et hosteur. Alors, c'est la première fois que je vois ce terme, hosteur, c'est quoi hosteur? On va dire que c'est un panéliste, c'est celui qui gère un peu le panel ou une conférence. Voilà, un présentateur, animateur. Ouais. Un animateur, non, ouais, c'est plus qu'un présentateur. Ça fait plus classe de dire hosteur. D'avant aux premières, et de conférences, notamment au Comic-Con de Paris. Également avec nous, Vincent Chény, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines et co-auteur de James Bond Figure Mythique aux éditions Autrement avec Fabien Bouly et Françoise H. Bissette. Oui. Ensemble, on va explorer le mythe James Bond, de sa création à tout ce qu'il caractérise, les acteurs, les célèbres James Bond Girls, les gadgets, la musique, le mythique thème de John Barry, aux chansons d'ouverture. Et on essaiera de voir aussi si, dans une ère post-MeToo, James Bond peut continuer ses aventures sans trahir l'essence de ce qu'il était censé être sous la plume de Ian Fleming. Allez, c'est parti. Mon nom est Buster. Blockbuster. Où est ma Bentley? Oh, elle a fait son temps, j'ai bien peur. Elle ne m'a jamais lâché. On vous octroie cette Aston Martin DB5 modifiée. Pare-brise à l'épreuve des balles, ainsi que les glaces latérales et la lunette. Et vos plaques d'immatriculation sont transformables, bien entendu, valables dans tous les pays. Nous avons apporté d'autres modifications intéressantes. Vous voyez cet accoudoir? Ça s'ouvre par en haut. À l'intérieur se trouve le système d'un mécanisme de défense. Écran de fumée, nappe d'huile, écran pare-balles arrière, à l'aile avant-gauche et l'aile avant-droite des mitraillettes. Et ceci à présent dont je suis assez fier. Voyez ce levier de changement de vitesse. Si vous ôtez le capuchon, vous trouvez un petit bouton rouge. Quoi qu'il arrive, n'y touchez pas. Hein, pourquoi? Vous libéreriez cette partie du toit immédiatement. Et le siège voisin du vôtre, celui du passager, serait éjecté. Un siège éjectable? Vous plaisantez? Je ne plaisante pas dans le travail, 007. C'était un extrait de Goldfinger de Guy Hamilton, où Q fait découvrir à James Bond la fameuse Aston Martin. Alors vous avez entendu dans l'extrait Jean-Pierre Duclos et Georges Hubert qui doublent respectivement Sean Connery et Desmond Llewellyn. Vincent Chény, oui. Derrière James Bond, il y a un auteur, Ian Fleming. Oui. Et j'ai envie de vous poser la question, qui est Ian Fleming? Alors Ian Fleming, il a été agent de change, il a été surtout journaliste. Au Sunday Times, il a dirigé les affaires étrangères du Sunday Times. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été une des chevilles ouvrières des services secrets britanniques de la marine. Et donc, il est aussi l'auteur de James Bond, idée qui lui est venue justement pendant qu'il était dans les services secrets, mais qui n'a exploité finalement que 7 ans après la libération, à un moment où il se marie. Il a peur de s'ennuyer et il s'ennuie aussi dans son travail et donc il voudrait gagner suffisamment d'argent pour ne plus travailler. Et donc, il va créer James Bond. Et l'intérêt, c'est que en 1960, il a suffisamment d'argent pour s'arrêter de travailler, mais il continue à écrire James Bond, suscitant la jalousie de son épouse qui écrira un article « Comment James Bond a tué mon mari ». Il dira d'ailleurs, au sujet de James Bond, que James Bond donne ce qu'il reprend d'une autre main. Donc il avait un rapport ambigu aussi avec le succès que lui avait apporté James Bond. Oui, donc il a mis beaucoup de lui dans ce personnage. Les costumes, l'histoire de Casino Royale qui lui est arrivée pendant la Seconde Guerre mondiale. En même temps, il a un ennemi qui est Blofeld, le grand ennemi de James Bond, qui est né le même jour que Ian Fleming. Donc il y avait des relations d'amour-haine entre l'auteur et le personnage. Ellil Albana, que représente James Bond dans cette grande galaxie qu'est le cinéma? Ah, James Bond, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un personnage, c'est une icône. Vous le disiez tout à l'heure, tout le monde connaît James Bond, que vous ayez vu ou non un film, que vous aimiez ou non le personnage, c'est une figure. On en parlera tout à l'heure, c'est aussi une vitrine pour de nombreuses marques. C'est aussi un symbole de l'évolution du cinéma. Et là aussi, on en parlera peut-être à la fin de cette émission, mais il y a des questions qui se poseront dans les années à venir sur comment James Bond doit évoluer dans une industrie cinématographique qui doit et peut évoluer dans une industrie qui a beaucoup, beaucoup changé. Mais c'est une icône, James Bond. Tout le monde connaît James Bond. Et comment on explique son succès? Parce qu'on a évidemment, tout a été dit sur le côté fantasme masculin à l'image. Masculin, homme d'une certaine époque aussi, hein, parce que je suis pas sûr que le fantasme masculin en 2020 soit le même que dans les années 60-70. Mais comment on explique le succès auprès du grand public de James Bond? Oh, je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, il y a la panoplie James Bond. Tout le monde connaît James Bond parce que c'est le beau mec qui est avec les plus belles femmes au monde, qui conduit les plus beaux bolides, qui a des gadgets assez dingues, plus ou moins loufoques selon les années, qui est souvent face à des méchants tout aussi charismatiques que James Bond. Il y a la musique, il y a le générique, il y a le gun barrel au début de chaque film. Et puis, je trouve qu'il y a aussi un point qui me semble très important, mais qu'on pourrait pointer sur James Bond, ou sur d'autres franchises comme Batman, Spider-Man. Vous avez fait une émission sur Conan le Barbare la semaine dernière. James Bond a pu, durant 50 ans, bénéficier des plus grands talents, des plus grands artistes, les réalisateurs, les acteurs, les scénaristes, les chefs décorateurs, les cascadeurs. Toutes ces personnes ont fait attention à la franchise James Bond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, James Bond est toujours une franchise lucrative, connue et appréciée. Vesper, par quel James Bond vous avez découvert la franchise ? Alors moi, je l'ai découvert via Pierce Brosnan, mais ayant eu la chance d'avoir un papa très cinéphile, j'ai enchaîné directement sur Sean Connery. Donc voilà, quand moi je réponds Sean Connery quand on me dit quel est le meilleur Bond. D'accord. Désolé, contrairement aux amis de mon âge. Il y a énormément de gens qui disent exactement la même chose. Mais oui. Et alors James Bond, c'est une incarnation, comme je l'ai dit, d'un fantasme masculin du siècle dernier, mais justement, qu'est-ce qui a fait écho chez vous ? C'est plus le côté film d'action, parce que de toute façon, ça reste des films d'action de qualité. Et c'est vraiment une icône et ça fait rêver, en fait. Les voyages font rêver, tout fait rêver. Et ce que je préfère, personnellement, dans James Bond, c'est les méchants. Et les méchants ont toujours été, presque toujours été à la hauteur du personnage. Oui, souvent des gens très, très intelligents, exactement, qui évitent les confrontations très, physiques. Très, très machiavélique. Qui caressent des chats dans un volcan. Mais exactement. Et c'est tout. Effectivement, c'est toute cette codification qui rassure et lasse le public en même temps qui me fascine aussi. Et alors, Vincent Chenier, je reviens vers vous pour savoir si Sean Connery, l'acteur qui a fait connaître et qui a popularisé James Bond aux yeux du grand public, était le premier choix de Ian Fleming ou non? Ah non, du tout. Du tout. Quand il a su qu'il était pris pour le rôle, il a dit, c'est pas ça du tout. Et donc, c'est en le voyant sur écran qu'il a dit... C'est bon, et il a changé d'ailleurs dans son écriture le personnage, lui donnant une origine écossaise, et donc il a intégré Sean Connery qui était écossais d'ailleurs comme lui. Je crois que c'est l'épouse justement de Ian Fleming qui a fait du lobbying pour embaucher Sean Connery parce qu'elle le trouvait très très très beau. C'est les épouses de d'Albert Broccoli et Harry Saltzman qui on leur a demandé s'ils trouvaient le personnage séduisant pour les femmes, c'était un point essentiel et oui. Et donc, voilà, ça a été d'autant plus déterminant que ils ont fait passer des essais, des tests aux acteurs et Sean Connery a refusé de passer les tests. Et c'est en le voyant se déplacer... Il était culturiste à la base. Il était à la fois culturiste et il était danseur puisqu'il avait commencé la comédie musicale. Donc il avait une approche très particulière des mouvements. Alors on va continuer de parler de James Bond, mais pour le moment on écoute Shirley Bassey avec le fabuleux thème de Goldfinger. Kiss of death from Mr. Gold. C'était Goldfinger de Shirley Bassey dans Blockbuster sur France Inter. Vous êtes vraiment gonflé. Désolé. La prochaine fois, je flinguerai d'abord l'appareil photo. Flinguez-vous vous-même. Vous avez pris d'assaut une ambassade. En violant la seule loi absolument inviolable du Code des relations internationales. Et pourquoi ? Pour abattre un type lambda. Nous voulions l'interroger, pas l'assassiner. Au nom du ciel ! Vous devriez faire preuve d'un minimum de jugement. C'est le cas ? Je pensais qu'un fabricant de bombes de moins sur Terre, ça valait le coup. Justement, seulement un de moins. Nous tentons de mettre à jour tout le système de financement d'un réseau terroriste et vous ne nous dégotez qu'un fabricant de bombes à la con. Dans le genre, vu d'ensemble, vous repasserez. Ce type n'est même pas un vrai fanatique. Ce n'est qu'un mercenaire. Et puisque vous tirez plus vite que votre ombre, nous ne saurons jamais qui l'a engagé ni pourquoi. Et nom de Dieu, comment avez-vous su où j'habite ? Comme j'ai appris votre vrai nom. Je croyais que M avait été choisi au hasard, j'ignorais... Rien qu'une syllabe de plus et je vous fais exécuter. Je me suis laissé dire que les doubles zéros avaient une espérance de vie limitée. Alors votre erreur ne fera pas long feu. Vous venez d'entendre un extrait de Casino Royale de Martin Campbell, un échange entre M et James Bond, interprété par Judi Dench et Daniel Craig respectivement, et doublé par Nadine Allary et Eric Herson-Macarel. Robert Ospian, d'un strict point de vue cinématographique, est-ce que James Bond, c'est encore du cinéma avec un auteur au parti pris fort, ou est-ce qu'au fil du temps, c'est devenu un exercice de style qui marque l'univers du cinéma ? Bah, c'est un peu les deux à la fois, c'est-à-dire que pendant très longtemps j'aurais tendance à dire que c'était justement plus une franchise de producteurs. Il est difficile de déceler véritablement une patte d'auteur, on va dire une vraie patte personnelle dans les films de Terence Young, de Guy Hamilton ou de John Glenn. Mais ces derniers temps, il y a eu une tentative, j'ai l'impression, enfin en tout cas, non mais j'ai bien clairement marqué de la part des producteurs, d'aller vers des cinéastes un peu plus de prestige. Après avoir rebooté la saga avec Daniel Craig et en rappelant Martin Campbell qui avait déjà relancé la saga après la longue pause des années 80 avec GoldenEye, ils ont fait appel à Mark Forster, qui est un cinéaste qui a été nommé, ou du moins un de ses films a été nommé à l'Oscar. Par la suite, ils ont fait appel à Sam Mendes, qui lui a été carrément lauréat d'un Oscar. Et avant que les inévitables différences artistiques les séparent, ils étaient partis débaucher Danny Boyle, lui aussi lauréat d'un Oscar, habitué d'être nommé des Oscars, pour réaliser le film qui est finalement devenu No Time to Die, qui doit sortir plus tard cette année. Donc j'ai quand même l'impression qu'ils essayent de ramener une certaine patte d'auteur dans une franchise qui, oui, jusqu'à maintenant, avait été davantage l'œuvre des brocolis plutôt que d'un cinéaste en particulier, bien que certains aient réalisé plusieurs épisodes. Et qu'est-ce qui explique la longévité de James Bond ? J'aurais tendance à dire qu'au-delà de toutes les choses qu'on a déjà évoquées, que ce soit la panoplie, que ce soit le caractère fantasmagorique, ou tout simplement le fait qu'effectivement c'est une saga dont le côté divertissant est toujours au rendez-vous, elle a toujours su s'adapter. Effectivement, elle a toujours su évoluer. Elle est unique en son genre. On a eu plein de Dracula, on a eu plein de Frankenstein, on a eu plein de franchises comme ça, mais aucune où, en tout cas jusqu'à Daniel Craig, techniquement c'était le même personnage. C'est-à-dire que le personnage campé par Roger Moore porte le deuil du James Bond qui était campé par George Lazenby et qui a perdu sa femme. Techniquement c'est le même, il se rend sur sa tombe dans un des films. Alors qu'à partir de Daniel Craig, ils ont fait un peu table rase, même si Judi Dench est encore là. Bon, tout ça c'est un peu les arcanes, ouais, un peu ouais, flous. Le méta-univers du cinéma. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'elle a toujours su s'adapter, toujours su... en tout cas, essayer de manière plus ou moins réussie de faire avec les codes de l'époque. On a eu le James Bond qui faisait de la blaxploitation dans Vivre ou laisser mourir. On a eu le James Bond post-Star Wars avec Moonraker. On a eu du James Bond un peu à la méthode des films d'action de Joel Silver dans les années 80 avec Permis de tuer. On a eu le James Bond très jeuniste avec le Meurt un autre jour qui essayait de rivaliser avec les triple X de l'époque. Et un peu de bourne pour ceux du début de Daniel Craig. Mais même là, j'ai l'impression que en essayant de conjuguer, de concilier les différentes incarnations et interprétations qu'il y a eu de James Bond, la période Daniel Craig a essayé de garder un peu sa propre identité, que ce soit avec donc cette aura prestigieuse récente, et surtout d'essayer un peu voilà de répondre à tous les James Bond. C'est pas juste, comme vous le disiez en début d'émission, le quel James Bond on préfère, mais vraiment quel type de James Bond on préfère, que ce soit celui un peu déconneur de Roger Moore, celui plus froid de Timothy Dalton, celui plus humain de Daniel Craig ou du début de Pierce Brosnan, parce que je dirais que ce qu'ils ont réussi à faire avec Daniel Craig, ils avaient déjà commencé à le faire avec Brosnan. Ouais. Et c'est pour ça que il y a aucun James Bond qui puisse être vraiment un film somme qui recouvre tout, mais voilà, c'est une saga qui a réussi à répondre, à se renouveler, à se recycler, à essayer de coller à la mode pour répondre un peu aux attentes du public de tous âges à travers toutes les périodes. Vincent Cheny, on l'a vu, l'histoire de James Bond est aussi profondément liée à la famille Broccoli et à la société de production Eon. Donc est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les singularités qui existent autour des productions de James Bond ? Il y a des règles très précises pour faire un James Bond. Alors, Eon Productions, effectivement, c'est un Canadien à la base, Harry Salzman, et un Américain qui ont profité de franchises fiscales pour s'installer en Angleterre et donc fonder Eon Productions. Et ils ont fonctionné avec comme distributeur United Artists, et donc on a une structure bicéphale anglo-américaine. Ce qui fait que les James Bond échappent aux studios, c'est-à-dire aux décisions des studios de si un changement de direction à l'intérieur des studios, les James Bond ils peuvent continuer. C'est ce qui a pérennisé du point de vue de la production le phénomène, avec le fait que la famille Broccoli, après Albert, c'est Barbara Broccoli et Michael Wilson, son fils, qui ont continué. Donc on a une structure, on a des super productions, mais c'est une structure familiale finalement qui s'occupe des destinées de James Bond. Et il y a eu certains James Bond qui se sont faits hors studio Eon et famille Broccoli. Oui, donc c'est Jamais plus jamais. Ça c'est parce que un des auteurs d'Opération Tonnerre, du film Opération Tonnerre, avait des droits au-dessus. Et il avait les droits, au bout de 10 ans, de refaire un autre film. Voilà, il les a fait sous certaines conditions, c'est-à-dire il n'avait pas le droit d'utiliser par exemple le gun barrel, ce qui ouvre chaque James Bond. Donc tout ça a été très structuré et qui est finalement jamais plus jamais un remake d'Opération Tonnerre avec un James Bond vieillissant. On va continuer d'explorer James Bond, mais on va se faire une petite pause musicale avec Iggy Pop qui chante James Bond. Ah, oh, James, je ne trouve pas les mots. Mais je peux essayer d'élargir ton vocabulaire. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Not in her hand. No need to figure out. De se régaler avec Iggy Pop et James Bond. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Enlil Albana, alors j'ai une question. Selon vous, qu'est-ce qui différencie le James Bond de Sean Connery de celui de Roger Moore? Alors d'abord, c'est pas très sympa parce que vous avez oublié George Lazenby quand même, qui a fait un peu la transition. Si, je l'ai pas oublié, on en parlera juste après. On en parlera après, c'est avec plaisir, parce que moi, c'est un James Bond que j'apprécie justement, beaucoup. Pour moi, Lazenby et Timothy Dalton, on en parlera après, mais je trouve qu'ils ont fait avancer quelque chose. Avec grand plaisir. Sean Connery et Roger Moore, c'est deux mondes différents. D'abord, c'est celui des années 60 et celui des années 70. Les contextes géopolitiques, sociaux ne sont pas forcément les mêmes. Mais bon, pour un peu résumer la chose, on va dire que Sean Connery, c'est une classe, un côté un peu brut, une sorte d'action man, alors que Roger Moore, dans les scènes d'action, c'est pas forcément ça, mais par contre, c'est vraiment l'humour britannique, l'humour à la British, quasiment le gendre idéal. Il était dans la série Le Saint, c'est pas pour rien, il a même gardé un peu cette formule. Mais il faut se remémorer d'une petite chose, c'est que le James Bond version Sean Connery dans Dr No, Bon baiser de Russie n'est pas forcément celui de Goldfinger ou Opération Tonnerre. Et de la même manière pour Roger Moore, le Bond de Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or ne sera pas celui de L'espion qui m'aimait, de Rien que pour vos yeux. À un moment donné, ils ont aussi réussi à évoluer au fur et à mesure des films, à évoluer avec, encore une fois, les différents contextes sociopolitiques. Et alors Vesper, même question rapidement concernant Daniel Craig et Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, c'est effectivement le héros des années 90, ça se sent d'autant plus aujourd'hui post-guerre froide. Et lui effectivement, il va être plus léger, il va être plus charmeur que Daniel Craig, c'est vraiment l'écorché vif qui va être très très animal, très brutal, et on va lui mettre direct le traumatisme Vesper de Casino Royale qui au final va le suivre pendant toute sa franchise. D'accord. Alors, James Bond, c'est toute une histoire du cinéma, mais comme on l'a dit, il y a des James Bond, certaines personnes n'aiment pas. Il y a une légère réserve, mais elle est de taille. C'est Roger Moore. Il est quand même très, très essoufflé. Enfin, c'est une espèce de tranche de bacon essoufflé, Roger Moore. Et c'est un peu gênant parce qu'il est quasiment dans tous les plans du film. Et puis, il y a Timothy Dalton qui, lui, à mon avis, n'est absolument pas James Bond. Pas une seule seconde. Parce qu'évidemment, le pauvre, il en est capable, évidemment, mais il a une espèce d'intériorité excessive, inutile. Puis alors, brusquement, voilà que celui-là, de 007, qui s'appelle Timothy Dalton, qui paraît-il un très grand acteur shakespearien, mais moi, à mon avis, il se sent pas très bien dans... Il cache son jeu, hein. Il se sent pas très bien dans les baskets de 007. Il tombe en arrêt devant la première dame blonde qui se trouve être la James Bond girl. C'est le coup de foudre, il l'aime éperdument. Alors déjà, au moins, on m'a retiré mon James Bond macho et je m'ennuie, j'ai froid. Faut dire qu'après la catastrophe de Roger Moore pendant 5, 6, 7 James Bond, cette espèce de gros rose-bif rose répugnant qui a étalé sa gélatine comme ça de façon obscène, de voir un type mince et svelte, c'est déjà un soulagement. Et dans le rôle de James Bond, un certain Pierce Brosnan, ou Brosnan, qui me fait regretter Sean Connery et Roger Moore, mais pas, je dois l'avouer, Timothy Dalton. Moi, je vais vous dire la vérité, avec James Bond, c'est pas celui-là, c'est les 20 précédents James Bond, 16, ou peut-être 16, les 40 précédents James Bond. 16, moi, 16, il m'ennuie légèrement pour la raison suivante, c'est qu'on sait, c'est que James Bond n'arrête pas de prendre des risques les plus insensés, et il ne meurt jamais. Moi, ce que je trouve formidable aussi, c'est que James Bond est intellectuellement beaucoup moins doué que tous les gens qu'il rencontre. Je dirais simplement que ça ne vaut pas les 30 francs d'une place de cinéma d'aller voir un film de James Bond ou Octopussy. C'est tout. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et là, les plus jeunes auditeurs se disent « Mais c'est quoi des francs ?» Alors, je les trouve quand même très très durs, particulièrement avec Timothy Dalton, parce que je voulais en parler, Timothy Dalton et George Lazenby, je vous pose la question à vous tous et toutes autour de la table, ils ont peu joué James Bond, mais ils ont quand même incarné un réel désir de faire évoluer le personnage de manière un peu plus drastique que les autres. Et quel est leur héritage, en fait, dans le panthéon, dans l'histoire de James Bond ? Si vous prenez George Lazenby, quand il a pris le rôle, il avait fait surtout un travail de mannequin. Et il a séduit la production par ses scènes de combat. Il était très réaliste, c'est un de ceux qui a le moins été doublé. D'ailleurs, Timothy Dalton, c'est le second qui a été le moins doublé. C'est les deux qui ont fait le plus de scènes d'action. Aujourd'hui, là, il a un poids, je dirais, puissant, George Lazenby, en ce sens que il n'a pas fait une longue carrière cinématographique, et ça, c'est aussi un petit peu dû au fait qu'il ait refusé de faire un second James Bond. Il est d'autant plus l'incarnation de James Bond que on ne le connaît vraiment par le grand public que pour ce rôle. Que pour ce rôle. Concernant Timothy Dalton, c'est lui qui avait été sollicité juste après Sean Connery pour reprendre le rôle. Il a refusé parce qu'il trouvait que c'était une ombre un petit peu trop importante. Il a fini par l'accepter après. La caractéristique de Dalton, c'est que il s'est toujours référé au texte de Ian Fleming. Donc c'est du point de vue de la psychologie du personnage, on a dit un personnage un peu plus noir, ce qui est vrai, c'est le plus proche du personnage de James Bond d'origine. Et justement, ce personnage d'origine, il est différent dans les romans de Fleming. C'est-à-dire, il va à la cantine du MI6, il est un peu plus angoissé par l'idée de d'ôter la vie, ce qui n'a pas l'air de poser énormément de problèmes aux versions cinématographiques de James Bond. Elle est c'est assez marrant parce que je fais écho à ce qu'une dame a dit justement dans les extraits en disant mais le James Bond que moi je connaissais c'était pas Timothy Dalton, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens James Bond c'est avant tout un personnage de cinéma et pas forcément un personnage de roman. Timothy Dalton, vous l'avez dit, c'est probablement avec Daniel Craig le James Bond le plus fidèle au roman de Fleming, mais Sean Connery a tellement apporté, incarné James Bond sur l'écran que en fait pour les gens, James Bond, c'est avant tout Sean Connery et certainement pas un personnage créé par Ian Fleming. Pourtant, Dalton est, moi, je trouve vraiment bien. George Lazenby aussi, il apporte sa petite nuance. Et bon, c'est dommage qu'il n'en ait pas fait un autre. Peut-être que ça l'aura un peu sauvé sur sa carrière. Et il y a une curiosité, si vous aimez James Bond et si vous voulez parfaire votre connaissance de James Bond, c'est le Casino Royale avec David Niven, Peter Sellers qui joue James Bond, tout comme David Niven, et tout comme Woody Allen qui joue, je crois, c'est le neveu de James Bond dans un film qui est complètement fou. La première version de Casino Royale, c'était une comédie d'ailleurs. Et avec Ursula Andress aussi. Avec Ursula Andress. Et Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Paul Belmondo. Donc voilà. Et Orson Welles. C'est à trouver. C'est à trouver, c'est à voir. Alors, Robert Ospion, il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé dans James Bond, mais qui est presque aussi important que M, Q, c'est la musique. La musique de John Barry et notamment les chansons d'ouverture. Comment s'est décidée cette identité musicale si forte ? En fait, il a été nécessaire de créer justement une identité musicale pour la saga cinématographique. Et c'est en ça que je rejoins ce que disait Enlil à l'instant, c'est qu'effectivement, James Bond, comme on disait tout à l'heure, c'est une icône qui a dépassé le stade des livres. C'est-à-dire que même si les livres ont eu leur notoriété à une époque, on n'est pas dans, c'est pas, ce n'est pas par exemple la notoriété qu'a pu avoir les Harry Potter de J.K. Rowling. Aujourd'hui, vraiment, la plupart des gens, la grande majorité du grand public le connaît à travers les films et les apparats. Parce que finalement, la saga elle-même a eu à sa panoplie. C'est le Gun Barrel, effectivement, les génériques, que ce soit les chansons ou les fameux génériques de Maurice Binder qui accompagnait chaque film. C'est donc les acteurs. C'est devenu toute une panoplie. Le fait d'avoir créé cette identité a fait, je pense, de la saga un objet, c'était, je sais pas à quel point c'était prévu à la base, mais un objet pop art, réellement. Finalement, on peut voir maintenant, aujourd'hui, avec YouTube, des montages de tous les Gun Barrels qui se suivent et de décider, quand on est un bon nerd comme je le suis, lequel est le meilleur, lequel est le mieux rythmé, lequel prend le mieux la pose, etc. Et effectivement, de voir lequel est le meilleur générique, quelle est la meilleure chanson, de faire ses petits tops. Et je pense qu'en ça, il y a eu une vraie réussite de se dire que la saga avait besoin de son identité pour se démarquer des livres et de réussir, voilà, à avoir sa propre marque de fabrique. Vous voulez dire que ce n'est qu'affaire de probabilité et de risque? Je croyais qu'il y avait une part de hasard. Seulement si on suppose que la meilleure main l'emporte. C'est ce que vous devez appeler bluffé. Vous connaissez le terme? Vous devez donc savoir qu'un joueur de poker ne mise pas sur ses cartes, mais sur le joueur d'en face. Et personne n'a de secret pour vous? Rarement. Ça me rassure, notre argent est entre de bonnes mains. Vous dites que ce n'est pas un bon plan, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un plan. J'avais l'impression qu'on allait risquer des millions de dollars et des centaines de vies sur un simple jeu de hasard. Que devinez-vous d'autre, Monsieur Bond? Que votre beauté pose problème. Vous craignez qu'on ne vous prenne pas au sérieux. Ça, c'est vrai de toutes les filles séduisantes qui ont un peu de cervelle. Oui, mais celle-ci veut surcompenser en s'habillant de façon un peu trop masculine. Elle est plus agressive que ses collègues féminines, ce qui la rend quelque peu piquante, à vrai dire. Et elle a paradoxalement moins de chances d'arriver à se faire accepter et promouvoir par ses supérieurs masculins, qui prennent son manque d'assurance pour de l'arrogance. Je crois que normalement j'aurais parié fille unique, mais comme vous n'avez pas relevé ma remarque sur vos parents, je pense miser sur orpheline. D'accord. D'après votre costume, vous êtes allé à Oxford ou l'équivalent. Et vous croyez que les êtres humains portent ce genre de choses. Et vous le faites avec un tel dédain. Je dirais que vous venez d'un milieu modeste et que vos camarades ne vous l'ont jamais pardonné. Vous devez donc vos études aux bonnes grâces d'une personne étrangère. D'où ce comportement aigri. Et comme vous avez tout de suite pensé que j'avais perdu mes parents, je dirais que c'est vous, l'orphelin. C'était, vous l'avez reconnu, un extrait de Casino Royale de Martin Campbell, une conversation entre James Bond et Vesper, incarnée à l'écran par Daniel Craig et Eva Green, et doublée par Eric Erson Macarel et Eva Green elle-même. Vesper, justement. Je l'ai dit tout à l'heure, dans un paysage cinématographique post-MeToo. Est-ce que James Bond peut perdurer sans se parjurer? Oui, il peut. Enfin, de toute façon, déjà, à l'ère Brosnan, M disait bien que c'était un dinosaure misogyne et sexiste. Non, et sexiste, pardon. Donc, pourquoi pas? Exactement. De la guerre froide. Exactement. Donc, pourquoi pas? En plus, effectivement, on parlait tout à l'heure de Phoebe Waller-Bridge qui ne se cache pas, qui est une grande féministe et qui est autrice de d'excellentes, autrice de Fleabag. Exactement. Entre autres, d'excellentes séries. Donc, j'ai pleinement confiance en elle. Pour la suite, on parle d'un renouvellement du personnage. Enfin, il y a eu des rumeurs qui disaient pourquoi Bond ne serait pas incarné par une femme. L'intégralité d'Internet s'est enflammée comme si on avait osé toucher une icône. D'ailleurs, je pense que c'est le coup marketing le plus réussi de ces dernières années, c'est d'avoir créé un bad buzz autour de ce James Bond qui n'est pas encore sorti, en disant 007 va être incarné par une femme, ce qui techniquement n'est absolument pas impossible étant donné que c'est un matricule. Exactement. Et là, effectivement, on parlait du matricule. C'est ce qui a été dit pour No Time to Die. Après, on peut aussi comparer cette franchise, par exemple, à Doctor Who, qui est une autre franchise bien aimée des Anglais, où l'acteur est devenu une actrice. Effectivement, ça fait scandale, mais un peu moins, parce que c'est le principe même du personnage. Personnellement, rien ne me choque. Après, je peux parfaitement concevoir l'idée de garder le personnage tel qu'il est, mais alors renforcer son côté décalé par rapport au reste. On a bien réussi à faire des OSS 117, qui sont certes plus des parodies, mais avec un héros qui est extrêmement misogyne et où on dénonce sa misogynie et sa bêtise. Donc pourquoi pas? Vincent Chenille, y a aussi cette figure de la James Bond Girls qui a évolué au sein de l'histoire de James Bond. C'est-à-dire que au début, bah voilà, c'était la demoiselle en détresse qui se faisait séduire et qui avait tendance à perdre la vie en cours de film parce que vraiment, c'est dangereux de coucher avec James Bond. Mais aujourd'hui, c'est des héroïnes à part entière et il y a même à plusieurs reprises des possibilités de spin-off de films dérivés de James Bond qui ont été évoqués. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, comme avec le personnage de Jinx, Halle Berry dans Un autre jour, comme Tomorrow Never Dies aussi, on en avait parlé, Lucy Liu. Michel Yeoh, pardon. Ça ne s'est jamais fait. Hein, Au grand dam justement de la famille Broccoli qui elle réclamait ça aussi. Peut-être, mais bon, à Barbara Broccoli, quand on lui parle d'une femme pour 007, elle dit non. Très clairement, non. Et pourtant c'est quelque chose qui est venu sur le tapis dans les années 80-90. C'est un système très bien instauré par Eon Productions de susciter l'intérêt sur le prochain James Bond. Et donc, pourquoi pas une femme, pourquoi pas un noir aussi. Et dès les années 80, on a ça. Tout simplement parce que Albert Broccoli a été formé à l'école d'Hollywood au moment d'Autant n'emporte le vent. On avait lancé un sondage pour savoir quelle serait la meilleure Scarlett O'Hara. Et donc, quand il a pris les rênes de James Bond, il a fait la même chose. Qui serait le meilleur James Bond? Et à chaque changement d'artiste, eh bien, vient ça sur le tapis. Alors, évidemment, ça enflamme les parieurs et les phénomènes sociaux. On a envie d'être incarné par ce personnage. Donc, voilà. Robert Ospion, on arrive à la fin d'un cycle avec Daniel Craig. Lui-même n'a jamais caché son envie d'arrêter, de remettre le smoking au placard. Est-ce qu'on a déjà des idées de ce que pourrait être le prochain James Bond? De ce que pourrait être le prochain James Bond ou de qui pourrait être le prochain James Bond? Les deux. Frédéric, c'est vous qui allez pouvoir interpréter James Bond. Trop vieux. Alors, en fait, tout dépend. Moi, ce qui m'interroge surtout, c'est de savoir est-ce qu'ils vont continuer la méthode d'avant, à savoir que après le départ de Daniel Craig, le nouvel acteur qui sera embauché jouera techniquement le même personnage. Et tout cela dépend peut-être de la manière dont se termine No Time to Die. Est-ce qu'il va vous tuer le personnage? Est-ce que le personnage va se caser à nouveau avec Léa Seydoux tel que se terminait le précédent? Ou bien est-ce que donc effectivement ils vont à nouveau avoir recours à un simili reboot comme ils l'avaient fait en 2006 avec Casino Royale? Je pense que là, à ce stade, c'est absolument impossible de savoir. La seule chose qu'on sait pour sûr, c'est qu'effectivement Daniel Craig ne remplira pas. J'ai tendance à croire qu'ils iront avec un acteur plus jeune, où ce sera forcément un peu difficile d'assurer la transition si c'est censé être exactement le même personnage. Après, c'est un peu la franchise qui justement a autorisé un tel saut de foi de par le passé, donc impossible de savoir. Quant à qui est l'acteur, pareil, je pense qu'il est inutile de fantasmer sur des comédiens qui n'ont absolument pas besoin de ça dans leur carrière à ce moment, les Michael Fassbender, Tom Hardy, Tom Hiddleston, qui seraient parfaits, mais qui effectivement maintenant n'ont pas besoin, même Henry Cavill, maintenant je pense que le temps est passé alors qu'il avait failli l'être. Je pense qu'il faut regarder plus du niveau des gens qui avaient la notoriété de Daniel Craig en 2006, donc qui avaient quelques films à leurs actifs. Ça peut être des gens moins connus, donc des Jack O'Connell qu'on a pu voir dans Invincible d'Angelina Jolie, ou effectivement Richard Madden qui était dans Game of Thrones et dans Bodyguard. Je pense qu'il faut regarder du côté de ces gens-là, quoi. Des petits jeunes, ouais. Après, effectivement, tout est possible si effectivement ils ont envie de créer la surprise avec le premier acteur noir dans le rôle. Je pense malheureusement pas que ce sera Idriss Elba. Oh, ça suffit. Parce qu'il est déjà trop vieux. Ça suffit. Je suis pas venu ici pour souffrir. Allez, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on écoute Adèle avec Skyfall. Et j'en profite pour revenir sur quelque chose qui m'a été reproché par un auditeur la semaine dernière, c'est-à-dire que je parlais sur le début des disques, notamment de Nirvana, et je tenais à dire que je ne parle jamais sur le début des chansons parce que j'ai vraiment le respect de l'œuvre et le respect de l'auditeur, et je ne sais pas à quel moment il a pu avoir cette idée, parce que si je parlais, évidemment, là, il y aurait tout à fait des griefs que moi-même, j'entendrais la critique, hein, mais pour l'instant, non, je n'ai jamais parlé sur... Mais j'ai encore des choses à dire, c'est parce que je... Oh. breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So c'était Adèle avec le thème de Skyfall. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Pierrick Thévenet au téléphone. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Alors, Pierrick, est-ce que vous avez un James Bond de prédilection? On va pas dire le meilleur James Bond, mais un James Bond que vous préférez? Je pense que c'est Pierce Brosnan, parce que c'est mon James Bond avec lequel j'ai grandi. Bon, et ben voilà, on a chacun son James Bond. Alors vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono, et si vous ne pouvez pas répondre, vous connaissez le principe. Vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est parti. Super. Dans quel film James Bond se marie-t-il? James Bond se marie dans... Service secret de sa majesté. Bien, bonne réponse de Peter Hunt, sorti en 1969. C'est un bon début. Question suivante. Combien de fois Timothy Dalton a-t-il incarné James Bond ? Deux fois. Ah bah j'allais donner des choix multiples, mais oui, c'est bien deux fois. Bonne réponse. C'est bien. On gagne du temps sur le conducteur, ça m'aide. Donc vraiment, merci. Dernière question. Non. Qui est l'interprète de la chanson-titre du film GoldenEye ? Ça c'est très dur. GoldenEye, c'est Tina Turner ? Eh oui, bah voilà. Ah. Eh bah c'est un sans faute. Eh bah vous savez quoi ? Parfait. Vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster, un jeu formidable réalisé par moi tout seul en plein confinement et qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. D'accord, et bien merci beaucoup. Et voilà, donc dès qu'il est prêt, on vous l'envoie. Très bien, merci. Merci à vous Pierrick, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors, on a encore quelques secondes, quelques minutes avant la fin de l'émission et j'aimerais vous demander à tous et à toutes un conseil culturel. Voilà, est-ce que vous avez une série, un film ou un livre d'espion autre que James Bond à conseiller au grand public ? Allez-y, l'antenne est à vous. Vesper ? Oui, bah plutôt, alors on va rester quand même proche de James Bond. C'était The Man Who Would Be King ? Non, attendez. Je suis prise au dépourvu. C'était l'homme qui voulait être Bond, en fait, tout simplement, qui était la série de la BBC sur la vie d'Ian Fleming. D'accord. Qui est extraordinaire, que je recommande beaucoup. On peut la trouver où ? On peut la trouver. Je l'ai vu à sa sortie. Ah, d'accord. Mais vous me prenez au dépourvu, j'aurais dû prévenir. Mes petites recherches. Bon, en tout cas, on a le titre. Elle se trouve, voilà. L'homme ou de Bond. Enlil ? On va parler d'une série française, le Bureau des Légendes. C'est une série de très grande facture, une série française, comme quoi en France, on sait faire de bonnes séries, qui vient de s'achever. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes encore en télétravail, c'est le moment. Il y a plein de bons acteurs, des scénaristes incroyables, une photographie magnifique. Bref, c'est un vrai conseil et une série à soutenir. Vincent Cheny ? Moi, je vous conseillerais une des premières séries d'espionnage britannique, Destination Danger. C'est une série en noir et blanc et qui est très réaliste, très ancrée dans la période et avec Patrick McGowan qui sera plus tard le numéro 6 du prisonnier. Merci. Robert Ospion. Moi, je conseillerais un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle La Taupe de Thomas Alfredson, adapté d'un roman de John le Carré, et qui est vraiment une excellente adaptation en fait et un excellent contrepoint à James Bond, comme l'a souvent été John le Carré, c'est-à-dire vraiment, je dirais que c'est presque plus un film d'espion que d'espionnage, qui montre l'envers du décor, au travers de différents personnages qui pourraient être autant de facettes différentes de Bond, mais d'un point de vue plus entre guillemets réaliste et froid et un peu mélancolique. Eh bien, alors je vais y aller aussi. Merci. Je vais aussi y aller de mon conseil. Moi, je conseillerais la série Anna, notamment la première saison. J'ai pas encore vu la deuxième, mais elle est désormais disponible sur Amazon Prime. Et j'ai passé un excellent moment, voilà, sur une histoire de jeune espionne comme ça, aux capacités surhumaines, formée spécialement dans un but d'aller infiltrer des pays étrangers. Et mine de rien, sous des couverts très classiques, et ben la série est très efficace et avec notamment des enchaînements de Krav Maga qui ont bien énervé le badass qui était en moi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Merci à Vesper, Robert Ospion, Enlil Albana et Vincent Cheny. Merci d'avoir été avec moi pour évoquer James Bond. On attend évidemment le prochain James Bond qui a été reculé à cause du Covid et qui devrait sortir en fin d'année. Céline Hila a réalisé cette émission. Jeanne Paravert, Sarah Masson et Hugo Comble l'ont préparé, aidé par Tom Malky, notre stagiaire, et à la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet et Julien Michel. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser des messages au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas, c'est votre répondeur. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI où je me ferai un plaisir de vous répondre. Adieu, monsieur Bonn. Il y a dans ce mot, je vous le confesse, un parfum d'éternité que je trouve assez plaisant.